Chapitre 13e. Retranché des vivants. À ce moment, un des hommes s'approcha de celui qui allait descendre. Il lui prit les mains. « Chef, lui dit-il à voix basse rapidement, chef, je vous en prie, le danger est grand, laissez-moi descendre avec vous. » Le compagnon égoutier à qui ces paroles s'adressaient serra affectueusement la main de celui qui lui parlait. Mais il répondit, « Merci, mon ami, il faut que vous restiez ici. Moi, je dois aller seul en bas. Mais chef, ils sont nombreux là-dedans. Malgré votre merveilleux courage, ils peuvent être maîtres de vous, vous tuer. Nous ne devons jamais nous préoccuper de cela quand nous accomplissons notre devoir. Bien, chef. » L'égoutier alors s'engagea dans l'ouverture et s'enfonça sous terre. Il ne portait pas de lanterne, lui. C'est dans la nuit, donc, qu'il allait s'avancer. Il devait marcher dans les ténèbres, au-devant d'un ennemi prévenu. C'était un acte non seulement de sang-froid, de courage, mais d'héroïsme. Qu'on y réfléchisse une minute. Qu'on voit cet homme descendant seul dans un souterrain qu'il sait aux mains de ses ennemis. Il va dans la nuit, seul, au-devant du danger inconnu mais certain, au-devant du péril ignoré mais immanquable. Il marche résolument, froidement, au-devant du coup de revolver à bout portant, du coup de couteau dans le dos, de l'assassinat impitoyable. Et cependant, pas une seconde d'hésitation chez lui. Il refuse tout concours. Plus le danger est grand, plus la mort est proche. Il tient à être seul pour accomplir cet héroïque devoir. Cet homme merveilleux est, on l'a déjà deviné, notre ami Martin Numa. Lui seul pouvait accomplir cet acte de bravoure qui demeurera peut-être inconnu. À l'orifice et sur le rebord du regard, Prosper était assis. Il attendait, il écoutait. Anxieux, ému, il se tenait prêt à accourir, à se précipiter au secours de son chef. Son cœur battait violemment. Prosper, avec son ami Philippe, jugeait que cette expédition du chef était trop hardie. Il aurait été préférable à leur avis, puisqu'on connaissait le chemin que prenaient ces égoutiers fantastiques, de pénétrer aussi par le regard, mais d'y entrer en nombre, en force. Que faisaient ces gens dans les égouts ? On ne le savait encore, mais certainement ils ne devaient rien faire de bien. Quand on n'a aucune mauvaise intention, qu'on ne veut pas mal faire, on ne se déguise pas ainsi, on ne se cache pas ainsi, on ne travaille pas dans les ténèbres. Martin Numa, avant de se lancer dans cette expédition, avait eu le soin d'étudier longuement, consciencieusement, la direction des égouts en cet endroit. Il en connaissait parfaitement la situation, les détours. Donc, il lui était sinon facile, du moins possible de s'y diriger sans lumière. Dans la journée, à plusieurs reprises, avec ses fidèles Prosper et Philippe, il était venu visiter cette partie des égouts parisiens. Mais pour ne pas donner l'éveil, il entrait par un regard ouvrant place de la Trinité et il poursuivait jusqu'à la rue Milton, presque dessous la maison mystérieuse, où les locataires, la nuit, entraient sans réveiller la concierge. Martin Numa eut beau chercher avec son flair, son instinct, sa grande habileté, il ne découvrit rien. Cet égout ne différait en quoi que ce soit des autres égouts. Mais alors, se demanda-t-il, que viennent y faire ces égoutiers fantastiques ? Pour le savoir, et il tenait par-dessus tout à le connaître, le mieux donc était de venir voir, un soir, quand les égoutiers fantastiques y seraient. C'est pour cela que ce soir, l'expédition avait lieu. Maintenant, Martin Numa, silencieusement, lentement, prudemment, s'avançait dans le souterrain obscur. La nuit était profonde, le silence absolu. Martin Numa s'avançait donc presque avec confiance. Les égoutiers fantastiques, les malfaiteurs, se trouvaient loin ou avaient fui. Tout à coup, Martin Numa sentit un choc sur sa poitrine. Il fit un pas en arrière, avança les bras pour tâter devant lui, croyant s'être trompé de route et avoir rencontré un mur, un tuyau. Mais aussitôt, ses bras furent saisis violemment. Ses jambes furent prises fortement, et Martin Numa fut jeté à terre. En même temps, dans le souterrain, la lumière d'une lanterne électrique brilla près du détective. Des hommes, vêtus en égoutier, la visière de la casquette en cuir souple rabattue et percée de deux yeux formant masque, entourèrent Martin Numa, réduit à l'immobilité, retenu par des liens solides. L'un des hommes dit alors « Allons, cette fois, Martin Numa, roi des détectives, tu es pris. Alors, le souterrain, tout à coup, s'éclaira. Chacun des égoutiers fantastiques démasqua la lanterne électrique qu'il portait. Sur le détective, tous les faisceaux lumineux se concentrèrent. Martin Huma se trouva dans un cercle de lumière. Il demeurait à terre, couché, paralysé, ligoté, dans l'impossibilité absolue de tenter seulement le moindre mouvement, d'essayer la plus petite résistance, de risquer quelque défense que ce fût. Martin Huma se trouvait réellement à la merci de ces hommes. Il était leur prisonnier maintenant. Tout à l'heure, il deviendra leur victime. Sur lui, ces hommes allaient, sans risque, sans revanche possible, pouvoir assouvir leur vengeance et réaliser ce plan, tant de fois déjoué, de réduire à néant, de tuer le roi des détectives. Et ils se tenaient, heureux, exultants dans leur succès, tout autour de leur ennemi capturé, comme la meute autour du gibier abattu s'apprêtant à la curer. Cependant, Martin Huma regardait tranquillement tous ces hommes penchés sur lui. Autour de lui, il promenait son regard clair et froid. La lumière vive de ses lanternes, doublée par les réflecteurs, semblait ne pas gêner son regard. Il tenait, sans qu'elles eussent de papillotement, ses paupières ouvertes. Il regardait droit dans cette lumière violente comme l'aigle regarde en face le soleil. Martin Huma souriait. Nous savons que ces hommes gardaient baissés sur le visage leur casquette qui, percée de deux trous pour les yeux, formait comme un masque. Revêtus de ces grosses vestes de cuir, de blouses bleues, chaussés d'énormes bottes, leur silhouette même disparaissait. Ils étaient ainsi absolument méconnaissables. Tous ces hommes se tenaient autour de lui, maintenant immobiles, silencieux. Ils semblaient obéir à un d'entre eux, à celui qui seul avait parlé, qui avait dit au roi des détectives qu'il était pris. Cet homme, ce chef, au bout d'un moment, se décida à reprendre la parole. « Oh, tu peux nous dévisager, Martin Huma. Tu peux regarder tout à ton aise. Essayer de nous reconnaître, tu n'y parviendras pas. D'ailleurs, à quoi cela te servirait-il » Martin Huma, sans bouger, sans répondre, tourna seulement les yeux vers celui qui parlait. Et tout en le regardant, il souriait. « Je dis, reprit cet homme, que nous n'avons plus rien à redouter de toi. Dans quelques instants, Martin Huma n'existera plus. » Il se pencha sur le détective et il répéta « Martin Huma, ton rôle est fini, tu es à nous !» Pas un muscle du visage de Martin Huma ne se contracta. Il entendait ces paroles terribles avec autant d'impassibilité que s'il écoutait un de ses amis, un de ses hommes lui souhaitait le bonjour. L'homme qui parlait, le chef de la bande, reprit « Cependant, j'ai eu tort de te dire ces paroles. Je me suis laissé entraîner par ma haine pour toi. Je ne suis pas maître de ton sort. Il appartient à mes amis de prononcer l'arrêt. » Alors cet homme se dressa, et se tournant vers ses compagnons, il dit « Mes amis, Martin Huma, qui a cet orgueil de se faire appeler le roi des détectives, Martin Huma, qui se fait le pourvoyeur des tribunaux, Martin Huma, qui nous poursuit, qui nous pourchasse, est tombé en notre pouvoir. Martin Huma serait sans pitié pour nous s'il était, comme nous le sommes de lui ce soir, demain, maître de nous. Mes amis, que voulez-vous faire de Martin Huma, le roi des détectives ?» Un seul cri, bref, sourd, tragique, fut la réponse. « À mort !» Tous les hommes étendirent la main droite au-dessus de Martin Huma. Quelques diamants brillèrent au doigt de ses mains. Le détective regarda rapidement ses mains, ses bagues. Il vit qu'une de ses mains gardait une blessure. Une phalange du petit doigt manquait. Il remarqua aussi que plusieurs de ses mains portaient une grosse bague en or au deuxième doigt. Un bijou à ce doigt se porte peu fréquemment en France. À l'étranger, en pays d'Orient surtout, les hommes, très souvent, mettent ces bijoux à l'index et même au pouce. Une bague au pouce est parfois un signe de ralliement, de reconnaissance pour certaines confréries musulmanes, pour des aouïas, tout autant que les fleurs ou la couleur du mouchoir dont se parlent les mahométans en costume indigène. Ces deux détails ne pouvaient échapper aux yeux du détective. Cependant, le chef des égoutiers fit un signe. À son tour, il étendit la main sur Martin Huma. « À mort » dit-il. Alors, les hommes éteignirent leurs lampes. Et la nuit revint, opaque, impénétrable, terrible et majestueusement angoissante. Puis, Martin Dumas sentit que l'on s'emparait de lui. Par les épaules, par les jambes, des mains robustes le soulevèrent. On l'emporta. Les hommes qui le tenaient marchant du même pas, lentement, lourdement, comme des croque-morts portant un cercueil. Le bruit de leurs bottes résonnait pesamment dans le souterrain. Puis ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Devant eux, on ouvrit une porte de fer. Une lanterne fut dégagée et éclaira un nouveau couloir plus étroit, plus froid, d'où sut un tel lot le long des murs. Des gouttelettes tombaient même du plafond. Quelques-unes atteignirent Martin Dumas et s'étalèrent sur son visage en éclaboussures glacées. La sensation était douloureuse. Malgré tout son empire sur lui-même, le détective ne put réprimer un mouvement. Plus prompt que la volonté qui eût supprimé tout tremblement, le corps surpris eut un tressaillement nerveux. Ceux qui le portaient eurent naturellement la sensation de ce tremblement. Et ne pouvant peut-être pas concevoir la véritable raison, ils pensèrent que c'était un frémissement de peur. Ils ricanèrent. Martin Dumas eût pu leur répondre, à ces hommes qui allaient devenir ses bourreaux, par le mot historique « Ce n'est pas de peur que je tremble, mais de froid. » La peur, en effet, la peur demeurait chose inconnue à cet homme extraordinaire. En ce moment, ficelé, emporté il ne savait où, pour être mis à mort, pas une seconde il n'eut peur. Il garda toute sa présence d'esprit, toute la lucidité de son cerveau merveilleusement organisé. Tout autre eût été désespéré en pareil cas, si près de la mort, sentant déjà peser sur lui, on peut le dire, le froid du tombeau. Il demeurait à ce point maître de lui que si on lui donnait à ce moment la liberté de fumer une cigarette, il s'en fût montré très heureux. Il eût fumé très tranquillement, à son habitude. Or les gens qui ont peur ne peuvent pas fumer. Dans le péril, dans l'anxiété, dans l'angoisse, les cigarettes, les pipes s'éteignent aux lèvres contractées et figées sous le rictus de la peur. Je gage qu'à ce moment, Martin Dumas eût fumé paisiblement, eût lancé en l'air des bouffées de sa cigarette aussi régulièrement que dans le fauteuil de son bureau. Mais la cigarette lui manquait, sa perspicacité n'en était pas moins éveillée. Et Martin Dumas se disait, non sans surprise, que lorsque ces jours-ci il avait parcouru cette partie des égouts, ce souterrain, quand il l'avait, secondé par Prosper et Philippe, longuement et minutieusement visité, étudié, il n'avait pas découvert cette porte de fer. Cette porte lui demeura cachée. Il ne l'aperçut pas, il n'en eut aucunement le soupçon. Et même sur le plan des égouts de la ville de Paris, cependant admirablement dressée, qu'il eut le loisir d'étudier scrupuleusement, cette porte de fer ne se trouvait nullement indiquée. Ce souterrain, en outre, dans lequel maintenant les hommes qui le portaient s'engageaient avec précaution, ses marches glissantes, n'était pas davantage porté sur la carte que le service de la ville de Paris avait mise à sa disposition. Donc, c'était une voie insoupçonnée, un souterrain qui s'ajoutait aux autres, à ceux que l'on connaissait. Ce devait être un souterrain creusé par ces hommes, par ces bandits, pour les besoins de leur forfait. Eux seuls le connaissaient. Ils l'avaient si habilement dissimulé qu'aux yeux, qui cependant voyaient tout, de Martin Dumas, de ses seconds, il passa inaperçu. Et Martin Dumas se disait que si on le portait là, dans ce souterrain, c'est que ces hommes étaient sûrs de pouvoir mettre à exécution leur plan sans être dérangés par qui que ce fût. C'est qu'ils avaient cette conviction qu'ils pouvaient remplir leur sentence sans rien redouter et mettre à mort le roi des détectives. Ils enterreraient probablement son corps dans le sol même de ce souterrain. Jamais personne ne s'aviserait de l'y venir chercher. De plus, Martin Dumas se disait que lors même que Prosper, Philippe, ses hommes, aux aguets là-haut, derrière Notre-Dame de Lorette et dans la rue Milton, trouvant l'absence de leur chef anormal, se décideraient à pénétrer dans l'égout, à courir enfin à son secours, aucun d'eux, ne connaissant l'existence de ce souterrain, dont rien, extérieurement, ne révélait la porte de fer, ce serait peine perdue. Ils parcourraient en vain, dans tous les sens, d'un bout à l'autre les égouts. Ils appelleraient sans résultat. Ils fouilleraient partout sans aucun profit. Jamais Prosper et Philippe ne le retrouveraient. Car Martin Dumas ne croyait pas au hasard, ce hasard sur lequel comptent trop les policiers. Le hasard, m'a-t-il dit bien souvent, doit être préparé par ceux qui veulent en profiter. Donc, en ce moment, Martin Numa marchait fatalement à la mort. Au bout de quelques pas, comme les hommes qui le portaient descendaient encore des marches, l'un d'eux, celui qui tenait la jambe droite, dit tout à coup à voix basse à ses compagnons « Qu'est-ce qu'il y a ? Ça tire ? Une corde ? Voyez ?» Le chef qui allait en tête se retourna. Il dirigea la clarté de sa lampe vers la jambe de Martin Numa que lui désignait celui qui la portait. Aussitôt, il poussa un cri de surprise. « Un fil électrique !» Les hommes redirent avec le même étonnement. « Comment, un fil électrique ?»« Oui, » poursuivit le chef, « oui, un fil électrique qui part de la jambe du pantalon de Martin Numa. Oh ! Il sort de la boucle que forme le tirant de la botte du détective. « Voyez, chef, voyez ce que c'est !» s'écrièrent les hommes. Ils déposèrent brusquement Martin Numa à terre, sur les marches gluantes, et sur lui, de nouveau, braquèrent les rayons lumineux des lampes. Le chef se pencha sur Martin Numa. Il tira le fil électrique qui, en effet, semblait prendre naissance dans la botte des gouttiers du détective, et tirant ainsi, il remonta jusqu'à la ceinture de Martin Numa. Là, il découvrit dans la blouse ample, dans la barreuse, attachée au corps du détective, un appareil électrique des plus ingénieux. C'était toute une petite installation de télégraphie que le détective portait sur lui. Sur une bobine plate, qui se trouvait sur la poitrine de Martin Numa, s'enroulait un fil de laiton, dans sa gaine isolante, d'une longueur de près de 200 mètres. Ce fil, tout en se déroulant, se tenait en communication avec une batterie de petites piles sèches qui se trouvait dans les bottes mêmes de Martin Numa. Sous le bras droit, un petit appareil dans le genre de l'appareil Morse permettait, au moyen de la contraction des muscles du bras et des mouvements de la cage thoracique, de transmettre des signaux que le poste récepteur, entre les mains de Prosper, enregistrait aussitôt. Au côté gauche, un appareil, muni d'un petit poinçon émoussé, transmettait à Martin Numa en picotant ce que voulaient lui dire ses seconds. De même qu'en entendant les chocs du marteau pointeur de leur appareil Morse, les employés du télégraphe déchiffrent le télégramme transmis. De même, Martin Numa, en ressentant sur le côté les petits coups de son poinçon, comprenait ce qu'on lui télégraphiait. Ainsi, il demeurait sans cesse en rapport, en communication directe avec ses hommes. Pour venir jusqu'à la hauteur de la rue Milton, il avait calculé que 300 ou 400 mètres de fil lui seraient suffisants. Il en emportait, roulé sur lui, à peu près 200, et je dis, mais Prosper, à l'autre bout, tenait une bobine qui en contenait beaucoup plus. Aussi, même en descendant dans ce nouveau souterrain, le fil lui suffit, et se fut déroulé sans arrêt si le hasard, ce hasard que niait Martin Numa, ne se fût manifesté en se vengeant de son incrédulité en le trahissant. Le mauvais hasard voulut qu'un des hommes qui suivait marchât sur le fil à diverses reprises. L'homme qui aidait à porter Martin Numa en tenant sa jambe droite sentit donc quelque chose qui faisait résistance. Il donna l'alarme. Maintenant, le stratagème de Martin Numa était découvert. Et tous les égoutiers fantastiques, stupéfaits, demeuraient anxieux. La même pensée se manifesta chez chacun d'eux. Martin Numa est demeuré en communication avec ses hommes. Martin Numa a pu donner l'alarme. Une sorte de frayeur s'empara d'eux. Plusieurs même eurent comme un mouvement de terreur et s'apprêtèrent à fuir. Tant cet homme, même prisonnier, même à terre, même ligoté et réduit à l'impuissance, faisait impression sur eux. Cependant le chef éleva la voix. « Que personne ne bouge ! L'arrêt doit être exécuté maintenant plus que jamais !» Il se tourna alors vers le détective. « Ah ! » fit-il en ricanant. « Certes, Martin Numa est fort habile. Il a des inventions extraordinaires, fantastiques et déconcertantes. Mais celle-ci, qui est d'ailleurs des plus originales que je connaisse, ne lui rendra aucun service. Elle ne le sauvera pas. Elle ne peut le sauver. » Martin Numa souriait toujours. Dans ce combat disproportionné de cet homme seul contre toute cette bande, c'était l'homme seul, à terre et prisonnier, l'homme qu'on allait tuer dans quelques instants qui semblait être le vainqueur. Après un regard de défi et de haine jeté au prisonnier, le chef reprit en s'adressant à ses hommes. « Martin Numa, l'homme aux 1000 stratagèmes, a trouvé ce moyen très ingénieux de demeurer constamment en communication avec ses aides. C'est parfait. C'est admirable. Mais il est plus qu'évident qu'il n'a pu se servir de son invention. Son petit poste télégraphique ne lui a été d'aucune utilité. Il n'a pu en faire usage. Les hommes écoutaient le chef faire ses déclarations, ses affirmations, mais en eux-mêmes, ils se disaient que le chef s'avançait certes un peu trop en ce moment. Car rien ne venait prouver qu'au contraire, le détective ne s'était pas servi comme il lui avait plu de son appareil ingénieux. Et dans la proclamation qu'ils entendaient, tous ces hommes sentaient que celui qui la leur faisait essayait de se persuader à lui-même qu'il disait vrai. Cependant, le chef, ayant conscience du scepticisme de ces hommes, reprit avec plus d'énergie. « Non, Martin Humain n'a pas fait usage de son appareil. Il n'a pas eu le temps de s'en servir, de l'utiliser. Non, mes amis, non, croyez-moi. » Martin Humain n'a pu prévenir. Là-haut, ces hommes ne se doutent de rien. Puis le chef ajouta. « Ils n'auront conscience du danger que court Martin Humain que bien longtemps après que tout secours sera inutile. Pour eux, déjà, Martin Humain peut être considéré comme n'existant plus. Il n'est relié à eux encore que par ce fil qui pend leur montre le chemin parcouru. Mais ce fil n'existe plus, voyez. Allons, Martin Humain est retranché des vivants. » Ce disant, le chef coupa le fil près de Martin Humain et il dit « Maintenant, amis, achevons notre tâche. Exécutons la sentence. » De nouveau, les hommes reprirent Martin Humain, le soulevèrent, et l'emportant achevèrent de descendre les quelques marches qui restaient. La troupe marcha quelques minutes encore. C'était un cortège funèbre et fantastique. L'impression de cette troupe allant ainsi dans les ténèbres, guidée seulement par la seule lampe du chef qui montrait la route, était angoissante, terrible. Jamais condamné à mort n'eut une telle marche vers l'échafaud.